prends mauvais la vie, laisse-moi gérer les deux côtés. Zokin Zambé Andimi Bako Sala et l'autre côté. Chéri, quoi qu'il arrive, je resterai de ton côté. Yebisang a volé, Mina Kotiko, yo mon côté. Je suis venu à toi pour t'empêcher de souffrir. La longue limote mananga bona yo chérie. Ah, parle-moi, je prendrai le temps de t'écouter. Nabolingoya, Soloma, Lova et Bozangate. Pointi à ton roi, Yebi Omoni Passi. Laisse-moi te soulager. Ah, ah. Moi si à Congo, la yebi au moni passe, laisse-moi te soulager. Ah ah ah. Si kaba oya bakanisi, yon anga toko kokatea. Motemana yon attendisi, maloba e kokodate. Moi si à Congo, la yebi au moni passe, laisse-moi te soulager. Ah ah. Laisse-moi te soulager.